Exercice 10, page 56. A. Tu ne postules plus ? Transformer. Il faut que tu postules. B. Tu ne recrutes plus ? Transformer. Il faut que tu recrutes. C. Tu ne consultes plus ? Transformer. Il faut que tu consultes. D. Tu ne rédiges plus ? Transformer. Il faut que tu rédiges. E. Tu ne révises plus ? Transformer. Il faut que tu révises. F. Tu ne dessines plus ? Transformer. Il faut que tu dessines.